l'hiver. Je t'attendais, je crois. Tu faisais tes affaires que je ne savais pas. Tu étais en retard. L'horloge faisait sa ronde. Je le savais ce soir. L'excuse était blonde. Moi je t'aimais d'amour, toi tu m'aimais des fois. Je n'attendais rien en retour et ça valait mieux, je crois. Et quand tu m'embrassais, moi je savais bien que celle à qui tu pensais était bien plus loin. Bien sûr avec les ans, mon corps s'est arrondi. J'ai les hanches plus pleines, la poitrine alourdie. Je ne lis plus dans tes yeux, à présent, l'amour sincère de nos 20 ans. À l'époque j'étais belle, le corps plus élancé. Il y a plus d'un garçon que j'ai fait chavirer. Il se serait entretué pour un seul de mes baisers. Mais sans même combattre, ben toi tu m'as gagné. Encore me dire, en restant sérieux, que tu m'aimes à mourir. Et puis moi, pauvre sotte, je t'écoute en croyant que tout ton baratin, tu le penses vraiment. Si tu venais à mourir, j'en crèverais sûrement. Si tu venais à partir, bah je te suivrais les pieds devant. Si tu venais à mourir, on serait sans à pleurer. Si tu venais à partir, bah y en a sans que je tuerais.